Je reste seul dans ma chambre parce que quand je sors dehors, je me sens comme un intrus. Toutes mes journées se ressemblent. Je crois que j'ai laissé mon cerveau en bas. On n'arrive pas ensemble, mais on repartira en retard. On a passé un putain de sale été et je veux pas qu'on revive ça. Et j'ai bossé depuis 6h toute la journée parce que je dois charbonner toute la semaine. C'est ma passion et c'est mon épicentre. On t'a jamais dit que t'aurais la vie sans. Peut-être qu'un jour je terminerai l'épisode. En attendant, je me cache dans la nuit sans. Yeah, baby, j'ai la vision. On veut toujours la vue sur la mer. Et ça fait trop longtemps qu'on attend. Mes vêtements, je mets toujours les mêmes. Il faut bien qu'on puisse payer l'essence. Je sais qu'ils vont m'entendre, même si pour l'instant c'est pas trop ça. J'enfonce ma tête dans l'oreiller. J'essaie de taper un saut. Des fois, je réfléchis trop. Je me complique la vie à tous les niveaux. Ils font pas d'efforts pour comprendre les choses. Ils emmènent le train, ils traversent un ruisseau. Ils sont pas importants. Dans ma vie, dans la leur, je tourne dans la page. Et tout mon passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, je l'ai dans la tête. Moi, je suis venu pour un soir. Elle est venue pour toute une nuit. On a pris des places pour toute une ville. Elle a passé son temps à me parler de sa vie. Yeah, là, j'ai les idées en l'air. Je déteste les gens et j'en fais mon affaire. Des fois, je me demande comment je fais pour me lever. Alors qu'à la base, j'ai la flemme, sa mère. Ma vie d'avant, je rédige la paix dans tous mes plans. Eux ils veulent qu'on se combatte incessamment. J'ai du mal à acquiescer quand elle me dit de pas m'inquiéter. Yeah. Je roule dans la ville à ses côtés, baby. Je sais même plus comment compter. Faut qu'ils s'habituent à moi. Je suis pas dans mon meilleur état. Je descends en bas et je récupère mes dalles. Je repars en silence, faut pas qu'on me voie. Je me sens pas bien, je te mens pas. J'essaie juste d'oublier l'histoire. Elle me dit qu'elle a perdu espoir. Yeah. Peut-être que je suis offre un sac, j'en ai. J'arrive à cacher mes cernes, faut que je l'aime. Le cerveau est resté bloqué.